21h sur Speed Radio. Speed! Speed Radio. La radio qui te dynamise. Salut, moi c'est Blast Blaster. Ce mois-ci, on relance les programmes musicaux. Et pour fêter ça, on m'a invité pour tout. À mixer tous les vendredis à 21h. Voilà, quatre petits mix oscillant entre de la techno, de la trance, de la mentale, de la house. Tout ce qu'on aime, un délire un peu blash blash de rien. Puis ensuite, quittez pas les ondes parce que tout le week-end, Speed Radio a prévu une programmation, voilà, très techno, très mix, très électro. We'll be right back.

We'll be right back. music lost. Lost in the music. We love the music. No turning back. We're lost. Lost in music lost. We'll be right back. Speed Radio.